Salut à tous, c'est Lucky sur Fadjet et je vous souhaite la bienvenue dans Blackout. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Je vous propose un petit Jojotronic pour bien commencer. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Et ma petite préférée, c'est signé Glass Figure. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. We'll be right back. Fadjet sur internet www.fadjet.net. Écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Petit claro intellecto dont j'ai du mal à me lasser. We'll be right back. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Pour cette track, l'artiste Pilo, et c'est signé Boys Noise Records. Fadjet, c'est plus qu'une radio. We'll be right back. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. I'm so fine. monter un peu la sauce. On down. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Feel your body burning with desire. We'll be right back. bringing on down. Petite dédicace à ma chérie. Thank you. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net.